Chapitre 37e. Ce qu'en pensa Lady Ongar. On se rappelle que Mrs. Cecilia Burton avait un projet qui la préoccupait vivement et pour lequel elle n'osait demander le concours de son mari, sachant bien que non seulement il le refuserait, mais qu'il la désapprouverait tout à fait. Cependant, elle ne pouvait y renoncer, persuadée que c'était le moyen de rendre l'un à l'autre Harry Clavering et Florence. Son mari avait désormais condamné le pauvre Harry, et s'était exprimé d'une façon péremptoire sur son compte, non pas devant Florence, mais souvent en présence de sa femme. Cecilia, comme toutes les femmes, s'en prenait plutôt aux circonstances qu'à l'homme, et on voulait surtout à la femme qui s'était jetée en travers du chemin de Florence. Elle était toute disposée à pardonner Harry si toutefois il voulait entrer dans le droit sentier. Il était beau garçon, agréable, plaisant compagnon, et de toute façon c'était un fiancé trop précieux pour le lâcher sans résistance. Elle persista donc dans son projet et finit par le mettre à exécution. Elle partit seule un matin et, montant dans un omnibus, se fit descendre en Piccadilly en face de Green Park. Elle n'avait pas voulu dire au conducteur d'arrêter dans Bolton Street, pour une raison que l'on comprend sans peine. De Piccadilly, elle passa devant l'hôtel du Premier ministre, puis devant un palais jaune élevé par un de nos princes marchands, et entra dans Bolton Street. D'une main tremblante, elle souleva le marteau de Lady Ongar. Pendant ce temps-là, Florence était assise toute seule à Hounslow Terrace. Elle savait alors que Harry était malade, très malade même, bien que Mrs. Clavering l'eût assuré que sa maladie n'avait rien de dangereux, car Mrs. Clavering l'avait écrit avec la familiarité affectueuse d'autrefois, même avec un ton de chaleureuse affection qui était plus qu'ordinaire. Il était évident que la mère de Harry ne connaissait pas ses torts. Ou bien, il se pouvait, avait dit Cecilia, qu'elle les ait connus, et qu'elle eût décidé que tout serait oublié, et ferait place à un beau repentir. Comme il lui serait doux de recevoir la brebis égarée dans le bercail. Mais une fois revenue, on l'attacherait par quelques liens agréables, on fixerait son humeur errante, et elle deviendrait la gloire et l'orgueil du troupeau. Florence ne connaissait rien du projet de Cecilia, mais elle avait entre les mains la lettre de Mrs. Clavering, et sentait qu'elle ne pouvait y répondre sans dire toute la vérité. En écrivant à la mère de Harry, elle ne pouvait parler de lui sur le ton d'autrefois. « Je veux tout lui révéler, » dit-elle à Cecilia, « et cela m'évitera l'ennui de me mettre en communication directe avec lui. » Son frère approuvait sa résolution. « Il faut en finir tout de suite, » avait-il dit, « et mettre un terme à toute cette sentimentalité malsaine et peureuse. » Cette circonstance fit hâter l'exécution du plan de Cecilia. Quand elle fut sortie, Florence s'assit devant son bureau pour écrire sa lettre. Elle l'écrivit, inondée de larmes, et dans une angoisse que peuvent seules comprendre les femmes qui se sont trouvées dans une pareille situation. Si elle avait pu donner libre cours à sa passion, sa tâche eût été plus facile. Mais elle était obligée d'être calme et réservée dans son langage, de faire le sacrifice de ses droits non seulement sans reproche, mais aussi sans faire même une allusion à son amour. En l'absence de Cecilia, elle écrivit et recopia cette lettre. Mais, comme elle l'avait promis, elle attendit, avant de l'envoyer, le retour de sa belle-sœur. Mrs. Burton, en frappant la porte de Lady Ongar, avait à la main un petit billet qu'elle remit au domestique. Mrs. Burton présente ses compliments à Lady Ongar et lui demande la faveur d'une entrevue. C'était tout ce que contenait ce billet. Et en le remettant au domestique, elle annonça son intention d'attendre une réponse dans le vestibule. Mais on la fit entrer dans la salle à manger où, pendant un quart d'heure, elle se trouva fort mal à son aise. Lady Ongar pourrait refuser de la voir. Mais si elle réussissait à lui parler, comment trouverait-elle l'éloquence nécessaire pour plaider sa cause? Au bout de 15 minutes, Lady Ongar ouvrit la porte et entra. « Mrs. Burton, » dit-elle en souriant, « je suis vraiment honteuse de vous avoir fait attendre. Mais un aveu sincère soulage l'âme, mais la vérité est que je n'étais pas habillée. » Puis elle la fit monter dans son salon, la fit s'asseoir sur un sofa, se plaça elle-même sur un fauteuil d'où elle pouvait bien voir, mais où elle restait elle-même un peu dans l'ombre, déploya gracieusement les plis de sa robe et fit tout pour persuader sa visiteuse qu'elle était chez elle et parfaitement à son aise. Quoi qu'elle eût prétendu, Lady Ongar avait certainement fini sa toilette quand on lui annonça Mrs. Burton. Mais elle avait cru devoir prendre quelques instants pour se préparer à cette visite. Elle avait bien à peu près deviné le motif de sa venue. De la manière dont elle se comporterait, dépendrait peut-être la solution d'une question qui était pour elle si importante, à savoir si Harry deviendrait ou non le seigneur d'Ongar Park. Il fallait donc observer ses gestes et ses paroles et être sûr de ses propres désirs. C'était là le point douteux. Elle désirait obtenir la main de Harry. Elle aurait voulu bannir cette Florence au prix de la moitié de sa fortune si cela eût été possible. Mais d'un côté, ne vaudrait-il pas mieux faire taire son amour et renoncer à ses chances de succès et de bonheur? N'ayant jamais vu Mrs. Burton, il s'était attendu à trouver une femme très accentuée et peut-être vulgaire, avec une voix forte, indice d'une volonté énergique. Elle fut agréablement surprise de voir une jolie femme à l'air doux qui paraissait presque effrayée de la tâche qu'elle venait remplir. « J'ai entendu parler de vous, Mrs. Burton, par notre ami commun, M. Clavering, et je ne doute pas qu'il vous ait aussi parlé de moi. » Cécilia fut surprise en l'entendant prononcer ce nom, qu'elle avait cru ne pouvoir amener sans une grande difficulté. Elle répondit affirmativement à la question de Lady Ongar. « Nous sommes alliés, comme vous le savez, » continua celle-ci. « Ma sœur a épousé son cousin germain, Sir Hughes, et quand je demeurais à Clavering, il était au presbytère. C'était longtemps avant mon mariage. » Elle avait un air parfaitement dégagé et se flattait de dominer complètement Cécilia. « J'ai appris tout cela de M. Clavering, » dit celle-ci. « M. Clavering s'est conduit d'une manière fort aimable pour moi après mon retour en Angleterre. Peut-être voulait-il aussi raconter. Il retint cet appartement pour moi et me témoigna mains égards comme c'est le devoir des jeunes gens. Je crois qu'il est dans le même bureau que votre mari, n'est-ce pas vrai ? J'aime à croire que je ne lui ai pas fait perdre son temps. » Tout cela était bel et bien, mais Cécilia sentait qu'elle n'en arrivait pas à son but. « Je crois, dit-elle, qu'il a perdu beaucoup de temps, mais je ne venais pas vous entretenir de cela. » En entendant ces mots, Lady Ongar sourit. Cette idée qu'elle avait fait perdre son temps à Harry Clavering lui paraissait amusante, car à ses yeux, l'inconvénient était bien mince, si seulement elle pouvait en arriver à ses fins. « Pauvre Harry, ajouta-t-elle, je m'imagine qu'on me rendra responsable de ses fautes, mais je suis convaincue qu'il ne fera jamais rien de bon dans cette profession. » « Peut-être avez-vous raison. Je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu M. Burton s'exprimer dans ce sens. Et s'il m'avait dit pareille chose, vous ne le répéteriez pas ?»« Non, pas à une personne étrangère. Harry et moi, nous ne sommes pas étrangers l'un à l'autre, » dit Lady Ongar, changeant soudainement de ton. « C'est vrai, je le sais. Vous le connaissez depuis plus longtemps que nous. Je me le rappelle. En effet, je l'ai connu longtemps avant qu'il songe à entrer dans le bureau de votre mari. » Longtemps même avant qu'il allât à Stratton. Le mot de Stratton vint au secours de Cécilia. Oui, dit-elle, mais cela ne l'a pas empêché d'aller à Stratton, et c'est là qu'il a fait connaissance de ma belle-sœur, Florence Burton. Je le sais, Mrs. Burton. Et il s'est fiancé à elle. Je sais cela aussi, il me l'a raconté. Et vous a-t-il dit aussi s'il entend garder son serment? Ah, Mrs. Burton, est-ce là une question à m'adresser? S'il m'a fait ses confidences et ne les a pas faites à vous, dois-je le trahir? Et s'il y a, dans ce secret, quelque chose qui m'intéresse particulièrement, pourquoi serais-je tenu de vous le révéler? Je crois que dans tous les cas, il vaut mieux dire la vérité, Lady Ongar. Il vaut mieux dire la vérité que de mentir, c'est du moins ce que l'on dit, bien que souvent l'on agisse contrairement à ce principe. Mais le silence vaut quelquefois mieux que tout le reste. C'est là un point sur lequel je ne saurais me taire, Lady Ongar. J'aime à croire que vous ne m'en voudrez pas d'être venu vous trouver et de vous faire ces questions. Assurément non. Eh bien, je ne puis me taire. Il faut que ma belle-sœur sache quel doit être son sort. Dans ce cas, pourquoi ne le lui demandez-vous pas à lui-même? Il est malade en ce moment. Malade? Où donc est-il qui vous a dit cela? Et Lady Ongar, sans quitter sa place, se souleva sur son fauteuil et oublia toute la réserve qu'elle s'était prescrite. « Où est-il, Mrs. Burton? Je n'ai pas entendu parler de cette maladie. Il est à Clavering, au presbytère. Qu'a-t-il donc? S'il est dangereusement malade, je vous supplie de me le dire. Il ne faut pas de mauvaises plaisanteries en pareille matière. De plaisanteries, dites-vous, Lady Ongar. Si Harry Clavering est malade, dites-moi ce qu'il a. Est-il en danger? » Sa mère, qui a crié à Florence, lui dit qu'il n'est pas en danger, mais il est alité. Il a une attaque de fièvre lente. Le matin du même jour, Lady Ongar avait reçu de sa sœur une lettre où celle-ci la priait de se rendre à Clavering Park, en l'absence de Sir Hughes. Mais sa lettre ne parlait pas de la maladie de Harry. Si la chose eût été sérieuse, Hermione en aurait parlé. Ses réflexions traversèrent l'esprit de Julie. S'il n'était pas sérieusement malade, à quoi bon trahir ses sentiments devant cette femme ? S'il y avait quelque chose de sérieux, dit-elle en reprenant sa première attitude, ma sœur m'en aurait informé. On nous dit qu'il n'y a rien de sérieux, reprit Cécilia, mais il est absent, et nous ne pouvons pas le voir. Et à vrai dire, Lady Ongar, nous ne voulons pas le voir avant d'être sûrs qu'il veut se conduire honorablement à notre égard. Est-ce que son honorabilité dépend de moi ? Je le croirai, d'après ce que j'ai entendu dire. Si vous voulez m'assurer le contraire, je m'en irai en vous demandant pardon de mon importunité. Mais si ce que l'on m'a dit est vrai, vous ne devez pas être surprise que je me préoccupe ainsi du bonheur de ma belle-sœur. Si vous la connaissiez, vous verriez qu'elle est trop bonne pour qu'on la mette sans façon de côté. Harry m'a dit que c'est un ange, un modèle de perfection. Et s'il a de l'amour pour elle, ne serait-ce pas honteux de l'abandonner ? Je ne sais pas s'il l'aime. Les hommes n'aiment pas toujours la perfection. Les anges sont trop parfaits quelquefois pour ce monde. Il l'a aimée. Je suis tenté de le croire, mais en tout cas, il se l'est imaginé. Il l'a aimée, et je crois qu'il l'aime encore. Je ne veux pas l'en empêcher, Mrs. Burton. Cécilia, tout effrayée qu'elle était par la tâche qu'elle avait entreprise et par l'attitude de Lady Ongar, sentait que si elle voulait obtenir un bon résultat, le moment était venu de parler franchement. Il fallait demander à Lady Ongar si elle aussi comptait sur Harry Clavering. Sans cela, cette entrevue n'aurait aucun résultat. « Vous le dites, Lady Ongar, mais le dites-vous sérieusement ?» lui demanda-t-elle. « On nous a dit que vous aussi deviez épouser Harry Clavering. Qui vous l'a dit ?»« On nous l'a dit, et j'ai été obligé d'en informer ma belle-sœur. »« Qui donc vous l'a dit ? Est-ce Harry Clavering ?»« Oui, il m'a dit quelque chose de semblable. »« Eh bien alors, pour que vous adressez à moi, il doit savoir s'il m'a fait une promesse. » Il vous a dit qu'il a promis de m'épouser. Il doit vous avoir dit en même temps qu'il ne veut pas épouser Miss Florence Burton. Ce n'est pas à moi à l'accuser ou à le défendre. Pourquoi venez-vous me trouver ? Je viens implorer votre pitié, dit Cécilia se levant et s'avançant du côté où était assise Lady Ongar. Est-ce Florence Burton qui vous a envoyé ? Non, elle ne sait pas que je suis ici, ni mon mari non plus. Je suis venu vous dire que devant Dieu, cet homme s'est engagé à épouser Florence Burton. Elle l'aime et ne saurait être heureuse sans lui. Et son bonheur à lui, vous n'en parlez pas. Vous avez raison. Nous sommes tenus d'y penser. Florence est tenue de penser à cela avant toute autre chose. Et moi aussi, car je l'aime aussi, avec autant de tendresse qu'elle peut l'aimer. Je l'ai aimée la première, avant qu'il eût entendu le nom de Florence. Mais, Lady Ongar, vous pouvez me demander ce que vous voudrez. Je vous répondrai avec sincérité. Je vous répondrai même sans que vous m'adressiez aucune question. Je l'ai trompé autrefois. Je refusais de l'épouser parce qu'il était pauvre et j'en épousais un autre parce qu'il était riche. Tout cela est vrai. Mais cela ne m'empêche pas de l'aimer maintenant. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Cela vous étonne, mais c'est la vérité. Je l'ai toujours aimé. Et que dois-je faire maintenant si je l'aime aussi ? Maintenant, je peux lui donner la fortune. La fortune ne le rendra pas heureux. Elle ne m'a pas rendue heureuse, mais elle peut contribuer à son bonheur. Pour moi, je ne saurais hésiter. C'est son bonheur qui me préoccupe. Mrs. Burton, si je croyais pouvoir le rendre heureux, et s'il voulait de moi, je l'épouserais demain. Dussé-je déchirer le cœur de votre belle-sœur. Mais si j'étais sûr qu'elle peut mieux que moi faire son bonheur, je le lui abandonnerais. Dussé-je en mourir de chagrin. Je vous ai parlé avec franchise. En fera-t-elle autant que moi ? Elle agirait de même, mais je ne sais pas ce qu'elle dirait en pareil cas. Eh bien, qu'elle en fasse autant, et qu'elle le laisse juge de son propre sort, qu'elle lui promette de ne pas lui adresser le reproche, et je m'y engagerai de mon côté. C'est moi qui l'ai mis la première, et moi qui l'ai mis dans cet embarras. Si je lui avais été fidèle, il n'aurait jamais songé à Miss Burton, il ne l'aurait jamais vue. Tout cela était vrai, mais tout cela n'avait rien à faire avec les droits de Florence. Le point sur lequel Cécilia désirait insister, sans trop savoir comment s'y prendre, c'était que Florence n'avait jamais eu de tort, et que partant, ce n'était pas à elle à être punie. Harry pouvait être excusable à cause de la première faute de Lady Ongar, mais pourquoi Florence deviendrait-elle le bouc émissaire ? « Vous devriez penser à son honneur autant qu'à son bonheur, » dit enfin Mrs. Burton. « Voilà qui est bien dur, et que je ne m'attendais pas à entendre chez moi. Suis-je donc descendu si bas que son honneur doive souffrir s'il devient mon mari ? » mais elle songeait en disant cela à des faits qui étaient inconnus de Cécilia. « Son honneur souffrira, » reprit Mrs. Burton, « s'il n'épouse pas celle à laquelle il a donné sa parole. Il a été reçu dans la maison de son père et de sa mère, et il a conquis ses affections. Mais il a offert son cœur et sa main en retour. N'est-il pas obligé de tenir sa promesse? Il n'a pas envers vous de pareilles obligations. Si vous souhaitez son bonheur, vous devez savoir que s'il veut conserver la réputation d'un gentleman, il n'y a pour lui qu'une ligne de conduite. « C'est toujours la même ritournelle, » dit Lady Ongar. « N'a-t-on pas dit que les dieux rient des perfidies des amants? Les hommes ne sont pas, que je sache, plus sévères que les dieux. Ce sont les accidents auxquels les femmes doivent s'attendre et se résigner. Est-ce là votre dernière réponse, Lady Ongar? Non, ce n'est pas celle que je veux vous faire. Je me suis expliqué franchement devant vous, peut-être même plus franchement que vous n'aviez le droit de vous y attendre. Je vous ai dit que je suis prête à toute démarche qui pourra assurer le bonheur de l'homme que j'ai autrefois maltraité, mais que je n'ai pas cessé d'aimer. Je cherche si son bonheur, quoi qu'il m'en coûte, et quoi qu'il doive en coûter à toute autre femme. Vous ne pouvez pas compter que je préférais une autre femme à moi-même. » Elle prononça ces derniers mots avec une extrême vivacité. Sa voix, son attitude et son regard avaient quelque chose de farouche. Elle avouait qu'il fallait un sacrifice, et peu lui importait s'il devait venir d'elle ou d'une autre. Elle s'immolerait sans hésiter, s'il le fallait, mais elle verrait Florence Burton sacrifiée sans éprouver le moindre remords, si cela devait servir les desseins qu'elle avait en vue. Il y avait de la passion dans l'âme et le langage de Julie, et cette passion la rendait sincère dans ce qu'elle disait. Mrs. Burton se leva aussitôt qu'elle put en trouver l'occasion. En faisant ses adieux, elle balbutia quelques mots d'excuse pour la liberté qu'elle avait prise. « Ne vous excusez pas, » dit Lady Ongar, « vous avez très bien fait. Vous soutenez bravement la cause de votre ami, et si ce n'était que le résultat de la lutte de nous séparer probablement dans la suite, je serais fier de connaître une personne qui combat si bien pour ses amis. Quand toute cette affaire sera terminée, Mrs. Burton, de quelque manière que ce soit, dites à Miss Burton de ma part que j'ai conçu pour elle la plus haute estime. » Elle n'essaya pas de répondre et sortit en faisant une profonde inclination. Quand elle se retrouva dans la rue, elle se demanda si elle faisait plus de mal que de bien par sa démarche, si elle avait servi la cause de Florence ou seulement fait connaître à sa rivale l'étendue de son malheur. Elle avait rougi de honte en entendant parler de Harry comme d'un prix disputé par sa belle-sœur et une autre femme. L'audace avec laquelle Lady Ongar avait affiché ses propres sentiments lui avait paru effrayante. Elle sentait qu'elle s'était mêlée de choses auxquelles elle était étrangère et que son mari la blâmerait. Mais cependant, la chose ne valait-elle pas la peine d'engager la lutte? Ce mariage était la seule chose qui pût donner le bonheur à la pauvre Florence. Cécilia était presque tentée de croire que Harry ne valait pas la peine qu'on se donnait pour le conquérir, mais il fallait l'estimer au prix que Florence y attachait, et non d'après sa propre évaluation. Il fallait dire à Florence ce qui s'était passé dans cette entrevue avec Lady Ongar. C'était le seul moyen d'empêcher le départ de la lettre qu'elle avait écrite à Mrs. Clavering. Mais pouvait-elle dire à Florence qu'il lui restait quelque espérance? Lady Ongar n'avait-elle pas dit la vérité quand elle avait déclaré que Harry devait être laissé libre de faire son choix entre elles deux? C'était bien dur, pourtant. N'était-il pas vrai aussi que les hommes sont pleins d'indulgence pour les infidélités des amants? En dépit de sa tendresse féminine, elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter que Harry fût cruellement puni s'il était infidèle. Mais la chose n'était pas possible. Pareille chose, du moins, ne s'était jamais vue dans le monde où elle avait vécu. Elle s'en retourna à pied chez elle, et quand elle arriva, elle avait à peine arrêté le plan qu'elle voulait suivre. Il y avait une chose du moins qu'elle demanderait à Florence. C'était de la laisser écrire elle-même à Mrs. Clavering. Elle commencerait par lui raconter son entrevue du matin. Il faudrait aussi en faire part à son mari. Il lui en avait coûté de faire une démarche à son insu et sans son aveu, mais il était impossible de lui cacher désormais ce qui s'était passé.